Chapitre troisième. Vibert, accompagné de Langlade, descendit l'escalier. Le forçat ne paraissait pas d'avoir conscience de ce qu'il faisait. Plongé dans ses réflexions, la tête inclinée sur la poitrine, il suivait l'agent de police machinalement comme un chien suit son maître. Sol et Couchant l'avaient trahi, que lui importait le reste. Cependant, arrivé sous la porte cochère, le grand air le frappa au visage et lui rendit un instant l'usage de ses facultés. Il leva la tête, regarda dans la rue et dit à Vibert « Eh bien, où est ta voiture ?»« Quelle voiture ? Celle qui contient tes hommes. Je n'ai pas d'hommes. Tu t'es venu tout seul pour m'arrêter ? Je te l'ai déjà dit. Ne fallait-il pas amener un escadron de cavalerie pour me prêter main forte ? J'ai l'habitude de faire mes affaires moi-même et je m'en trouve bien. Cela te contrarie de ne pas voir à ta porte trois ou quatre mouchards en redingote boutonnée jusqu'au menton et ressemblant à des croque-morts. Je ne sors pas dans la rue avec ces gens-là. Moi, j'ai de la tenue. Mais si leur absence te chagrine, je puis les faire demander. Non, c'est inutile. Ne te gêne pas, tu sais, lui dit Vibert. Si tu désires un enterrement de première classe, je te le procurerai. Cela ne te coûtera pas plus cher. Non, je te dis que ta société me suffit, répliqua le forçat, hors d'état d'apprécier les plaisanteries de son compagnon. Tu es bien aimable, continua Vibert, et je vais te rendre ta politesse en faisant avancer une voiture. Nous ne pouvons pas aller à pied là-bas. Un fiacre passait, Vibert l'appela, et poussant Langlade par les épaules. Monte donc le premier, lui dit-il. Je t'en prie, ne fais pas de façon. Il donna au cocher l'ordre de se diriger vers le palais de justice et s'assit auprès du forçat sur la banquette du fond. Ils gardèrent un instant le silence. Chacun de son côté songeait à ses propres affaires, sans s'inquiéter de son voisin. Bientôt, cependant, Langlade, à qui l'inaction portait sans doute sur les nerfs, donna un grand coup de pied dans la banquette qui était en face de lui et s'écria « Me trahir, ainsi, moi qui ai tant fait pour elle !» Cette phrase ne demandait pas de réponse, mais Vibert, toujours bien élevé, crut devoir la relever en ces termes. « Mon cher Langlade, fit-il sans retourner la tête, remarque, je te prie, qu'elle n'aurait pas pu te trahir si tu n'avais pas fait quelque chose pour elle. Elle t'aurait livré, voilà tout. Pour qu'il y ait trahison, il faut qu'il y ait eu abandon et confiance. Saisis-tu mon raisonnement ?» Il est spécieux, mais il est juste. Langlade ne saisit rien et continua. L'ai-je laissé manquer de quelque chose? Jamais. Elle a eu de moi tout ce qu'elle a voulu. J'étais l'esclave de ses fantaisies. Elle m'aurait dit, je veux ce magasin de bijouterie tout entier, que je serais allé le dévaliser la nuit suivante. Un jour, nous nous promenions rue Vivienne, elle s'est écriée. Cette robe m'irait joliment. Le soir même, elle l'a trouvée dans sa chambre. Tu l'avais achetée? Demanda ironiquement Vibert. Non. Répondit fièrement le forçat. « Je l'avais volé. » « Voilà un excellent moyen d'entretenir ses maîtresses sans se ruiner, » pensa l'agent de police. Langlade, poursuivant son idée, continua. « Est-ce que j'avais besoin d'argent pour moi ? Allons donc, un verre de vin, un morceau de pain, une botte de paille, je n'en demandais pas plus. J'étais élevé à la campagne, j'ai les goûts simples. » « On s'en est toujours aperçu, » se dit Vibert. « C'est à cause d'elle qu'il me fallait de l'or à tout prix. C'est pour subvenir à ses dépenses. » Que je me suis fait voleur, puis assassin. Parbleu, dit sentencieusement l'agent de police, prenez n'importe quel crime, grattez-le et vous trouverez une femme dessous. La phrase n'est pas de moi. Elle est vieille comme le monde. Est-ce qu'Adam recueille la pomme si Ève ne l'avait pas convoitée ? La dernière fois que je suis allé au bagne, reprit Langlade, tout entier à ses souvenirs, c'était à cause d'elle. Lui en ai-je fait un reproche ? Non. Et à Brest, je trouvais encore moyen de gagner de l'argent pour lui en expédier. En ai-je fait de ses boîtes en paille et de ses bronzomes en coco. Mais cela ne suffisait pas. Un jour, elle m'écrivit qu'elle avait besoin de 100 francs. 100 francs. Où les trouver au bagne? J'imaginais de voler les économies de 3 gardes-chirons. J'étais condamné à 1 mois de double chaîne et 2 cachots. Mais elle a eu ses 100 francs pour payer son terme. Les hommes ne sont pas justes, fit remarquer Vibert. Voler la chirome, cela méritait une récompense. Enfin, s'écria Langlade, qui continua à pérorer dans son coin, c'est à cause d'elle que j'ai commis tous mes crimes, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Ici, l'agent de police fit un brusque mouvement, la tête indolemment penchée sur une des parois du fiacre, les jambes étendues sur la banquette de devant. Ils étaient contentés jusque-là d'émailler la conversation de quelques aphorismes. Le forçat monologuait à droite, l'employé de la préfecture monologuait à gauche. C'était une façon bien innocente de passer le temps. Mais ces derniers mots, les crimes qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, firent sortir Vibert de son engourdissement. L'agent de police, amoureux de sa profession, amoureux de son art, se réveilla. La veille, on aurait pu prononcer peut-être impunément ces mots devant lui. Il était dans un tel marasme, une telle prostration physique et morale, qu'il n'aurait pas songé à les relever. Que lui importait alors la police, ses devoirs et les crimes de Lenglade? Il s'occupait bien de ce forçat. C'était à Savary qu'il en voulait, à Savary seul. Le monde commençait et finissait pour lui rue de Grammont. S'il avait proposé d'arrêter Lenglade, ce n'était pas pour faire du zèle, c'était pour chercher une diversion à sa douleur. Cette diversion, il l'avait trouvée. L'expédition qu'il venait de faire, le danger qu'il avait couru, son inutile adieu à la vie, sa promenade matinale dans Paris, côte à côte avec un malfaiteur redoutable, l'avait en quelque sorte fait sortir de sa léthargie. Il renaissait à la vie, et le comte de Ruvigny disparaissait pour céder la place à l'agent de police Vibert. Il y avait donc dans l'existence de Lenglade des crimes qu'on ne connaissait pas. Alors il importait de les connaître. « À propos, sais-tu l'heure ?» dit Vibert après une minute de réflexion. Le forçat, de plus en plus enfoncé dans ses rêveries, ne répondit pas. Vibert lui toucha le bras. « Hein ? Quoi ? Nous sommes arrivés ?» s'écria Lenglade, comme s'il se réveillait en sursaut. « Non, pas encore. Je me permets de te déranger pour te demander si tu sais l'heure. L'heure, et que m'importe l'heure, c'est que, reprit Vibert, je viens de faire une réflexion. Laquelle ? Il est encore beaucoup trop tôt pour voir soleil couchant. Ah ! S'écria le forçat devenu menaçant. Tu cherches déjà des raisons pour ne pas tenir ta parole. As-tu mauvais caractère ? Répondit tranquillement Vibert. À la moindre petite observation, tu pars comme un feu d'artifice. Ce que j'ai l'honneur de t'apprendre est bien simple cependant. Je ne puis pas arriver au dépôt de la préfecture et dire au gardien « Voici mon ami, M. Lenglade, forçat en rupture de ban. » Il désire avoir un instant d'entretien avec sa maîtresse, Mademoiselle Soleil Couchant, qui demeure en ce moment dans votre maison. Voudriez-vous avoir la complaisance, messieurs, soit de faire descendre cette demoiselle au salon, soit de conduire M. Lenglade auprès d'elle, dans l'appartement qu'elle occupe ? Les gardiens me répondraient « Monsieur, la visite de M. Lenglade nous honore et nous charme d'autant plus que nous espérons avoir le plaisir de le garder longtemps parmi nous. Mais il ne nous appartient pas de déranger Mademoiselle Soleil Couchant. Pour que votre protégé soit introduit auprès d'elle, il faudra une autorisation en règle, et les personnes qui pourraient la lui donner sont encore couchées à 7 heures matinale. Voilà, mon cher Lenglade, ce qui ne manquerait pas de nous arriver. Tu as de l'esprit, tu devrais comprendre cela. Après ? Demanda durement Lenglade, toujours insensible au gracieux badinage de l'agent de police. « Mon Dieu !» répondit Vibert sans se départir de son inaltérable douceur. « Je propose simplement de brûler 2 ou 3 heures, où tu voudras, comme tu voudras. C'est un petit retard, voilà tout. Tu es sûr de moi, puisque je te promets de ne pas te quitter. À 9 heures, nous nous rendrons à la préfecture, j'aurai un moment d'entretien avec le chef de la police de sûreté. Je lui dirai que je t'ai donné ma parole et il m'aidera à la tenir. À 10 heures au plus tard, tu seras en présence de soleil couchant. Cela te va-t-il ? Il faut bien que ça m'aille, dit le forçat en grognant. Allons, tu es raisonnable, je n'en entendais pas moins de ton cœur. Il s'agit maintenant de savoir ce que nous allons faire du temps qui nous reste. As-tu une idée, toi ? Non. Que dirais-tu d'un bon petit déjeuner ? Je n'ai pas faim, répondit Lenglade. Égoïste, tu n'as pas faim, c'est possible, mais moi qui me suis réveillé à 5 heures pour me rendre chez toi, tu ne réfléchis pas à cela. Puis, tu m'as donné une foule d'émotions, tu voulais me tuer. Tu ne voulais plus me tuer, je fermais les yeux, je les rouvrais, je me disais « c'est fini » et patatras, je recommençais à vivre. Tu comprends, tout cela creuse. Allons, crois-moi, mettons-nous quelque chose sur l'estomac. Tu n'en causeras que plus éloquemment avec soleil couchant. « Oh, ce que j'ai à lui dire ne sera pas long !» s'écria le forçat. « Oui, je te comprends, un bon coup est bien vite donné. On n'a pas besoin d'avoir l'éloquence de Démosthène. Cependant, moi, si j'avais été à ta place... J'aurais voulu d'abord me procurer le plaisir de lui faire quelques bons petits reproches, de la traiter comme elle le mérite, de lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je ne sais pas parler, moi, je ne sais qu'agir. Laisse-moi tranquille, tu parlerais comme un prédicateur, si tu avais seulement un bon beefsteak et une bouteille de Chablis première sur la conscience. Tu crois ? Si je crois. Mais toutes les fois que j'ai rendez-vous avec une femme, moi qui te parle, je commence par m'offrir un bon déjeuner. Alors on a la tête montée et on dégoisse tout ce qu'on veut. « Oui, c'est possible, » murmura le forçat. On tue sans hésiter. Vibert avait touché juste. « Est-ce dit ? » demanda-t-il. « C'est dit. Tu es un ange. » Et se pencha la portière. « Cocher ! » dit l'agent de police. « Conduis-nous à la halle, chez Barat. »« Non, pas là !» s'écria Langlade. « Et pourquoi ? Est-ce qu'on y mange mal ?»« J'ai une autre raison. Tu y dois de l'argent. »« Non, je n'y dois rien. » »« Alors ?»« J'ai dîné, il y a 3 jours, avec elle. » répondit le forçat en soupirant. Vibert regarda sans étonnement Langlade. Il le comprenait. Un agent de police et un forçat, ces deux extrêmes ont quelquefois des points de contact. Cependant, Vibert venait de réfléchir qu'il était avantageux de faire Langlade se retrouver dans le cabinet où il avait dîné avec Soleil couchant. « Mon cher ami, dit-il à son compagnon, j'apprécie d'ordinaire toutes les choses du cœur, mais il y en a cependant qui m'échappent. Raisonnons. Ou bien tu adores toujours ton infidèle et tu dois avoir du plaisir à te retrouver dans un lieu où vous vous êtes aimé, ou bien tu la méprises, tu l'exècres et tout ce qui la concerne doit être complètement indifférent. « Je la méprise, je l'exècre !» dit Langlade. « Alors entrons chez Barat. Justement, nous y voici. »« Entrons !» dit le forçat, qui voulait faire l'homme fort. Ils descendirent de voiture, passèrent devant le comptoir et gravirent une espèce d'échelle qu'on a le tour d'appeler un escalier. Au premier étage, on leur ouvrit un cabinet. Langlade regarda et dit « C'est le même, je le reconnais. »« Le hasard n'en fait jamais d'autre, » répliqua le philosophe Vibert. Puis il commanda un excellent déjeuner approprié à la circonstance et, se mettant à table en face du forçat, « Je suis indigne d'être de la police, se dit-il, si cet imbécile-là ne m'a pas fait au dessert toutes ses confidences. Quel bon petit crime inconnu a-t-il pu commettre ?